بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue chers frères ونحن اليوم في درسنا الأخير في شرح كتاب الصلاة من عملة الأحكام aujourd'hui le dernier cours dans le chapitre de la prière tiré du livre عمدات الأحكام ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر حديث في أجر من شهد الجنازة. L'auteur رحمه الله il finit ce sous-chapitre le sous-chapitre lié au janaïs. Il finit ce sous-chapitre avec un hadith qui nous montre la récompense de celui qui participe à la janaza. Il dit donc عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد. Et donc selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui participe à la janaza jusqu'à ce que la prière soit faite sur celle-ci, alors il aura un qirat. Et celui qui y participe jusqu'à ce que celle-ci, donc la janaza, jusqu'à ce que celle-ci soit enterrée, donc le mort, alors il aura deux Kirat. Ils dirent, mais qu'est-ce que les deux Kirat, ô messager d'Allah? Il a dit, c'est comme les deux montagnes énormes. Dans la narration de Muslim, il dit, le plus petit Kirat est comme la montagne de Uhud. Est comme la montagne de Uhud. Fi hadha al-hadith, 'idhamu ajri man shahida al-janaza. Il y a dans ce hadith la grande récompense de celui qui participe à la janaza. فَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى يُصَلَّ عَلِيهَا فَلَهُ كِرَات وَالْكِرَات مِثْلُ جَبَلِ أُحُدْ عَلَى الْأَقَلِ. Et donc celui qui participe à cette janaza, il aura une récompense qui est donc il aura une récompense qui est un kirat. Qu'est-ce que le kirat? C'est comme la montagne de Uhud au minimum. Et celui qui participe jusqu'à l'enterrement, alors à ce moment-là, celui-ci aura deux qirat. Ibn Umar radiyallahu anhuma lamma sami'a anna Aba Hurayrata yarwi hadha al-hadith ista'dhama hadha al-ajr fa qala akthara 'alayna Abu Hurayra. Ibn Umar radiyallahu anhuma lorsqu'il a entendu que Abu Hurayra il rapportait ce hadith, il a été étonné par cette grande récompense. Et il a dit, certes, Abu Huraira, il en a fait beaucoup. Abu Huraira, il en a fait beaucoup. Aïe, Abu Huraira, rawa kathiran min al-ahadith. Fal'allahu akhta awahim. Abu Huraira, il a rapporté beaucoup d'ahadith. Il se peut qu'il se soit trompé, qu'il se soit mélangé. Allahu a'lam. فأرسل من يتأكد عند عائشة رضي الله عنها. Alors il a envoyé quelqu'un pour qu'il puisse vérifier auprès d'Aïcha رضي الله عنها. Et elle a dit نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. Elle a dit oui, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire cela. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فرطنا في قراريط كثيرة. Il a dit certes nous avons été négligents dans concernant beaucoup de qararit. On a laissé passer beaucoup de récompenses. Combien de personnes ont été enterrées? Combien de janaïs il y a eu? On n'a pas participé. On a laissé passer beaucoup de récompenses. Pourquoi? Parce que salaf, ils accordaient une grande importance aux récompenses. Ils accordaient une grande importance à cela. وهذا يحثنا أيها الإخوة على حضور الجنائز. Cela nous pousse, aux chers frères, à participer aux جنائز. بعض الناس يفرط في هذا الباب لا يحضر الجنازة إلا إن كان يعرف الميت أو أهله. Certaines personnes sont très négligentes concernant cela. Ils ne participent à l'enterrement ou à la genèse que s'ils connaissent le mort ou la famille du mort. Sinon, ils ne participent pas. Ou idha kanu yarawnahu fil masjid. Ou alors s'ils le voient à la mosquée. In lam narahu fil masjid fala. Si on ne voit pas la mosquée, alors non, on ne prie pas sur lui. Ayo al-ikhwa hadhihi bida. Ça, c'est une innovation. Sachez ça, fichara, ça s'appelle une innovation. Je suis venu avec une condition qui n'existe pas dans la législation. Que c'est toi qui l'as sorti de ta poche. Il n'y a aucune preuve sur ce genre d'agissement. Ceci est une innovation et aussi c'est une grande négligence. فهذه القاعدة لا أصل عليها في الدين. أو لا أصل لها في الدين. Cette base-là, cette règle, je ne participe qu'aux enterrements de ceux que je connais ou de ceux que j'ai vus à la mosquée ou des proches. Cette règle n'est basée sur aucun fondement dans notre religion. وبعض الناس قد يقول أنا لا أعرفه ولعله لا يصلي. فأنا لا أصلي عليه. Certaines personnes peuvent dire je ne le connais pas. Et franchement, je n'ai pas vu à la mosquée, il se peut qu'il ne prie pas. Alors je ne prie pas sur lui, moi. Je ne prie pas sur lui. Wa qad sa'altu shaykhana shaykh Arafat an hadha, fa qala hadha ghulu wa bid'ah. J'ai interrogé Cheikh Arafat al-Muhammadi concernant cette parole. Il m'a dit ceci, c'est de l'exagération et c'est une innovation. C'est de l'exagération et c'est une innovation. فَلَوْ جَاءَكُمْ أَحَدْ بِهَذِهِ الْقَعِدَةِ. Si quelqu'un vient à vous avec cette règle, moi je ne prie que sur ceux que je connais, que ceux que je vois à la mosquée, ou je, si je ne le vois pas, Allahu alam, je ne sais pas s'il prie en Allah ou salli alayhi. Quelqu'un vient avec vous, quelqu'un vient vous voir avec cette règle, vous dites قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ. Dites, ramenez votre preuve si vous êtes véridique. نُرِيدُ دَلِيلًا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ السَّلَفِ عَلَى هَذِهِ الْقَعِدَةِ. Nous voulons une preuve du livre, une preuve de la sunna et des paroles des pieux prédécesseurs concernant cette règle. Pourquoi est-ce que tu viens et tu dis je ne prie pas sur lui? Parce qu'il se peut que, il se peut que, il se peut que. Non. On n'a pas de preuve là-dessus. Il n'y a pas de preuve là-dessus, ni dans le Coran, ni dans la sunna, ni à quoi les salafs. Il n'y a pas. Et donc il faut qu'on fasse attention aux chers frères à ne pas exagérer. Halak al-mutanatti'un. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 fois. Les exagérateurs sont dans la perdition. 3 fois il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous devons faire attention à ne pas exagérer dans la religion. Wa min masa'ili hadha al-hadith ma ja'a fi riwayat al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha wa yafragha min dafniha فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم يرجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. Il y a aussi dans ce hadith ce qui a été cité dans la narration de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Celui qui suit la genèse d'un musulman en ayant la foi et l'espérance, et donc tu as la foi quant à la récompense qui est liée à cela, et à l'espérance, tu espères la récompense justement par rapport à cela, alors celui-ci qui fait cela jusqu'à ce que la prière soit accomplie et que l'enterrement soit fini, alors celui-ci revient avec 2 kirats, et en sachant que chaque kirat est comme la montagne de Uhud. Et celui qui va y participer, qui va prier sur celle-ci, c'est-à-dire sur la genèse, puis retourner avant l'enterrement, alors celui-ci aura 1 qirat. Idan, nahdur al-janaiz imanan Wahtisaban. Et donc, on participe au janaïz en ayant la foi et espérance. On espère la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. La tahdur li thana'in nas. Tu ne participes pas pour que les gens fassent tes éloges. Hein? Il a participé à la genèse de Cheikh Foulen, mashallah. Non, c'est pas pour ça que tu participes à la genèse. D'accord? Tu ne participes pas non plus par crainte. Ah, si je participe pas à la genèse, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Ils vont me blâmer, et donc vaut mieux, inshallah, j'y vais. C'est pas pour ça que tu participes à une genèse. Tu participes parce que tu veux la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa fil hadith. Si'atu rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Il y a dans ce hadith la grande miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'ammalu ayyuhal ikhwa. Méditez, chers frères. On prie sur une genèse ici. Thumma ba'da dhalika nadhhab ila al-maqbara wa nadfin hadha al-mayyit thumma narji' ila buyutina. Et donc on prie sur la genèse, ensuite on va au cimetière, on enterre le mort, ensuite on retourne chez nous. Est-ce qu'il y a en cela une grande difficulté? Est-ce que c'est difficile? Non. C'est pas difficile. Et pourtant, il y a une aussi grande récompense. Subhanallah. Les ulama, ils ont abordé ce sujet et certains, ils ont dit لِأَنَّ هَذَا الْمَيِّتِ الْأَنْ بِحَاجَ إِلَى هَذِي الصَّلَاتِ وَإِلَى كَوْنِ النَّاسِ يَدْعُونَ لَهُ فَهُوَ بِحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لِهَذَا الْعَمَلِ أَجْرًا عَظِيمًا لِيَشْهَدَ النَّاسِ. Et donc ce mort, il a besoin à ce moment-là que les gens prient sur lui, qu'ils invoquent pour lui. Hein? Les gens qui vont participer à cette genèse al-Ghalib, en général, ils font quoi? Ils vont invoquer pour le mort quand ils vont participer à la genèse. Et le mort, il a besoin de ça. À ce moment-là, il a besoin qu'on invoque pour lui, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'aide lors de l'épreuve de la tombe. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a accordé une grande récompense liée à cette participation afin que les gens soient motivés pour participer à cela. Allah tabaraka wa ta'ala, il est miséricordieux envers ses créatures. Il veut que, comme on a vu dans les cours précédents, Allah, il veut pour nous le paradis. Il veut pour nous le paradis. D'autres savants, ils nous disent, subhanallah, ce hadith-là, il nous montre que, en fait, les récompenses et les punitions dans l'au-delà, elles sont d'une mesure qu'on ne peut pas déterminer. Elles dépassent notre capacité. Elles dépassent notre capacité. Ici, on te dit la récompense, c'est un kirat. Un kirat, c'est quoi? C'est comme la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, elle est gigantesque. Qu'est-ce que ça représente? Allahu alam, c'est énorme cette récompense. La punition, même chose. Il ne faut pas qu'on néglige les péchés qu'on fait. Parfois, on fait des péchés, on se dit... C'est bon, j'ai juste parlé sur lui. J'ai pas dit quelque chose de grave. J'ai juste dit que c'est un frère qui parle mal, ou j'ai juste dit si, ça. J'ai pas dit quelque chose de mal. Taïb, rappelez-vous le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Là où ya'alamu al-marru bayna yadayhi al-musalli, madha alayhi min al-ithmi. Si seulement celui qui passe devant le prieur savait quel péché il avait. Et donc, les savants nous disent, on voit ici qu'il y a un grand péché qui est lié à cet acte-là. Mais on ne peut pas le mesurer, ce grand péché. C'est pour nous mettre en garde, ô chers frères, contre le fait de négliger les péchés qu'on fait. Parce que tu ne connais pas les conséquences de tes péchés dans l'au-delà. De la même façon, tu ne connais pas les conséquences de tes petites actions dans l'au-delà. Alors ne minimise pas les bonnes actions. Ne dis pas, ah non, ça c'est petit, Mali, c'est pas grave. Lorsque tu rentres à la mosquée, que tu passes le salam à tes frères, que tu souris à ton frère, ne minimise pas tes bonnes actions. Il ne faut pas les minimiser. Car tu ne connais pas la grande récompense qui est liée à cela dans l'au-delà. Et on va arrêter là, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite, il est certes capable de toutes choses. Et encore une fois, les frères, une chose très importante, on a fini le chapitre de la prière. Est-ce que ça veut dire qu'on a vu tous les sujets qui sont liés à la prière? Non. Non, non, non. Pour ça, il faut encore du temps, il faut encore du temps. Il y a des livres qui ont été écrits, il y a des divergences. énormément de choses qui n'ont pas été citées. Et donc, il faut qu'on apprenne. Si on veut qu'on connaisse si on veut connaître notre religion correctement, il faut qu'on accorde du temps à cette religion, qu'on apprenne. Donc, alhamdoulilah, il y a les enregistrements qui sont présents. On peut y retourner, revenir vers les enregistrements, réécouter, profiter pour ceux qui veulent. Parce que je sais que parfois, on a l'esprit qui part un petit peu partout. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite les frères. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.